Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez. RLM. Lee John of Imagination. You're listening to Illusion. RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Et ça va le rester puisque vous êtes dans l'émission 120 au compteur, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h. Salut, c'est Harry, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va passer donc 2 heures d'actualité, de sortie cinoche, de plein de bonnes choses, avec toute une équipe au complète. Et oui, ça existe, on est au complet ce soir. Et je vais commencer évidemment par présenter une voix que vous connaissez. Vous avez commencé à la perdre, cette voix, mais il est revenu, il est avec nous. Alors pour des raisons professionnelles, évidemment, il ne pouvait pas être là, mais il est là, il est de retour, il est tout bronzé. Alors tu nous expliqueras où tu as travaillé. Mais nous sommes avec Canon. Bonsoir la France, bonsoir la Belgique, bonsoir l'Europe, bonsoir le monde. Ah ça m'avait manqué, dis donc. Ah ouais, bah depuis que t'es là ça va, ouais. Ah, votre petit à blanc m'avait manqué aussi. Ouais, il va falloir que tu nous racontes parce que tu n'as pas pu venir pour des raisons professionnelles. Absolument, ouais. Mais alors du coup, ta profession, si tu travailles dans des, je sais pas, dans des locaux avec des UV ou... Bah, en fait, tu travailles dans les lampes UV. Ouais, dans des points soleil ou quelque chose comme ça. Je viens d'ouvrir un institut d'autobronzant. Voilà, vous allez bien, je suis content de vous voir. C'est vrai que j'étais absent deux fois. Hein, ouais, deux fois, mais deux fois pour nous, c'est voilà. Deux fois de trop. La semaine prochaine, je signale déjà que je ne suis pas là. Mais je suis content de vous avoir vu, donc passez bonne soirée sur RLM. Alors vous entendez aussi également ce rire profond qu'on adore, évidemment. Onissa est avec nous aussi également. Hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bah oui, plutôt bien, d'autant plus que tu vas nous faire une chronique sur un dessin animé. Ah oui. Voilà, qui parlera certainement aux plus jeunes d'entre nous, et peut-être aux un peu moins jeunes, hein, suivez mon regard. C'est pas prêt pour moi. Voilà, et puis nous sommes aussi également... Ah, j'avais pas connu la voix de Sherlock. Là. Ah ouais, bah... ah ouais, mais non, on la présentera en dernier, évidemment, parce qu'en fait, là, c'est la pièce rapportée. Oui, mais, super sympa. Je vais y aller, bonne soirée. Bah, sur la route, je me suis dit, on va l'appeler la stagiaire. on fait des antiquités. Pourquoi pas, tiens, dis donc. D'ailleurs, pendant qu'on parle, si tu pouvais nous apporter le café, ce serait sympa. J'y vais tout de suite. Et nous sommes avec Sherlock, évidemment. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh ouais, Sherlock, alors lui, c'est le roi du ciné. Oui, je ne sais pas si je suis le roi, mais bon. Bon, d'accord, elle était le prince du ciné. Oui, bon, peut-être. Ouais, on va dire ça, allez, le fou du roi du ciné. Voilà, c'est ça. Tu lis les journaux. Oui, voilà, ciné, comme quoi. Tout le monde, en fait. Et donc, on va te retrouver, rappelle-nous les horaires, et puis alors, évidemment les chroniques. À 21h pour la chronique rétro-ciné, et à 21h30 pour la chronique des sorties ciné. Rétro-ciné sur un film de quelle année? De... Oui, bien sûr. Il te colle à chaque fois, bah j'y crois pas. Mais ça fait des années, hein. Vraiment. De 2001. De 2001. Ah, ok, ça parlera certainement justement à notre stagiaire qui est avec nous. Qui est revenu du café, oui. Marine, merci pour le café, c'est sympa. Donc, on plaisante évidemment. Alors, Marine est avec nous parce que, bah, effectivement, bah, là, t'es peut-être en préparation d'une émission sur RLM, mais on n'en dit pas plus parce que c'est pas encore gagné. Voilà, donc t'es en train de candidater. Hein, c'est français, candidaté. Ouais. Stagiaire. Ouais, candidate. Bah, je sais pas si c'est français, mais on va dire candidaté. Si, ça voilà. Se dit. Ça donc, tu candidates, pour, évidemment. Depuis quand t'es daté, on m'a déjà dit. Mais ça, c'est une autre histoire. C'était à soir tard. En tout cas, bonsoir, Marine. Bonsoir. Tu nous as préparé quelque chose, hein, je pense. Oui. Ah, donc un événement, une actualité. C'est ça, un événement. Et tu nous en parleras donc dans le courant de l'émission, évidemment. C'est ça. Pas après 22h, parce que sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Bah non. Bon, moi, de mon côté, évidemment, je vous l'avais promis, je vous ai préparé donc une petite chronique sur Morad, donc un petit hommage, où je vous reparlerai un petit peu de son histoire, de son actualité, depuis ses débuts jusqu'à, malheureusement, donc ce terrible 7 mai. Voilà. Et puis moi, puisque tout le monde s'en fout, je vous parlerai d'événements aussi qui auront lieu en France prochainement. Maintenant que je suis revenu et que je repars, oui. Je vais en profiter. Ah oui, non, mais t'as raison. On pourrait avoir un peu de musique ici. Oui, mais bien sûr. Mais alors justement, on avait parlé qu'on allait faire une spéciale Morane. Oui. Ben, pendant toute l'émission, il y aura des chansons de Morane qui vont égrainer cette émission. C'est bien. Et, wow, oui, t'as vu ça, hein. Ouais. J'ai appris le dictionnaire pendant la semaine. Et la semaine prochaine, qu'est-ce qui poussera là? Je ne sais pas. Donc ben, on se retrouve juste après ce titre de Morane. Thank you. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Storm, le monde est storm. Je cherche le soleil au milieu. C'est moi qui me fais du cinéma, qui me fais mon cinéma. Je cherche le soleil. Sur la fréquence, premier sur les hits, RLM, tous les jours, le meilleur des années 80 à nos jours, RLM, 107.9 FM. Le monde est stone, interprétation donc de Morane en 1988 exactement, puisqu'effectivement elle avait fait partie de la deuxième édition, deuxième saison donc de Starmania. Elle avait été embauchée par Luc Plamondon à l'époque pour faire donc le rôle de Marie-Jeanne. Et en 1988, évidemment, bon, elle se lançait aussi dans sa carrière solo et elle n'a pas pu continuer l'aventure Starmania. Et elle a été remplacée par Réjeanne Perry, qui, alors si vous avez déjà vu cette version-là, qui lui ressemble énormément d'ailleurs, oui, physiquement. Oui, voilà, en regardant la comédie, on pense que c'est Morane, mais c'est pas Morane, elle lui ressemble vraiment. Réjeanne Perry ressemble à Morane. Et donc voilà, mais je vous en parlerai plus dans le détail tout à l'heure, puisqu'effectivement, comme je vous l'avais promis, on fera un hommage donc à Morane. On va laisser la parole à notre ami Canon, puisqu'effectivement, il y a un événement. Alors là, celui-là, faut pas le louper. Ah, celui-là, on va pas le louper. Je vais déjà parler du premier, parce que la genèse, en fait, de cet événement, je vais vous parler, en fait, des concours de chant mondiaux, qui s'appellent, donc, c'est le championnat Icing. On en a parlé, donc, il y a eu les championnats d'Europe de karaoké qui se sont déroulés, donc, au niveau des finales françaises. Donc, tu étais présent. Oui. Et voilà, on a Richard et Kenna qui ont été sélectionnés, en fait, et qui vont défendre les couleurs dès lundi en Crète pour, donc, représenter la France pour les championnats d'Europe. Et de là est né aussi le championnat Icing. C'est la quatrième fois que ça se passe en Europe et c'est la première fois en France. Et ça se passera alors en scène, à la scène musicale en Seine-sur-Mer, mais surtout, retenez bien, le 30 et 31 mai sur Lille, au Singing Studio de Lille. Donc c'est des championnats mondiaux Icing. Il y a quand même 5 jours à Paris à gagner pour représenter la France dans des conditions exceptionnelles. Je vous en dire plus. Pourquoi je m'exprime, c'est que moi je suis responsable en fait et manager de l'équipe du championnat du monde belge, suisse, Luxembourg et Marrakech. Ah oui, tout d'abord. Voilà. Et là, par contre, je m'occupe pas bizarrement au niveau francophone de la France qui est fédérée. Donc, ça se passe, si vous voulez voir, c'est le Singing Studio, S-I-N-G-I-N-G Studio. Voilà, Lille. Et donc, vous pouvez vous inscrire. Et ah, donc oui, donc on peut participer, évidemment, si vous êtes chanteur. Vous avez quoi alors? Honnêtement, vous avez une voix et ça sert à rien de s'appeler Freddie Mercury et tout ça, il faut chanter. Championnat du monde, c'est un niveau. Par contre, vous dites je chante bien mais je suis pas au niveau, c'est là où les gens se plantent, c'est que vous, si vous avez de l'émotion, si vous avez quelque chose, nous on accueille, tu étais jury toi-même au championnat d'Europe, hein, parce que voilà, j'ai eu le plaisir t'accueillir là. Et donc bah moi je pars, c'est pour ça que je serai pas là, je pars en Crète avec d'où le bronzage. Non, je pars, donc je serai pas. Il y avait des séances au Maroc sûrement. Ouais, voilà. Marrakech. Je reviens. Bah, t'as vu ma tête, je reviens de loin. Donc voilà. Non, retenez. Et on peut s'inscrire jusque quand alors? On peut s'inscrire alors, faites-le immédiatement. Donc la première sélection c'est le 30 et 31 mai à Lille. Il y aura deux jours de sélection et le 10 juin à Lille. Donc voilà, vous représentez la France 5 jours à Paris, tout frais payé évidemment, tout est pris en charge. Et à la fin c'est un contrat d'enregistrement. Wow, ah oui, et vous gagnez le voyage Icing 2019. Voilà, et ça peut être Singapour. Et la finale, ça peut être aux États-Unis. Et je peux pas vous dire où. Voilà. Ah, est-ce qu'on peut chanter en playback? Pardon? Est-ce qu'on peut chanter en playback? Absolument pas. Moi, je fais des super playbacks sur Gainsbourg. Voilà. Et donc, la marraine, j'ai eu le plaisir de rencontrer pas mal de personnes. Ça sera Gentle. Ah oui. Voilà. Ah, donc, la marraine est Gentle. Je vous avais parlé d'Antoine Decaune qui est pour les championnats d'Europe. Et Antoine, voilà, t'es pas disponible pour ça. Il y aura Gentle et un autre invité, chanteur. Eh ben c'est une bonne nouvelle pour Marine qui aime de temps en temps pousser la chansonnette. Tu vas t'inscrire au concours. Ah bah carrément. Ah oui. Non mais c'est vrai, tu chantes en plus. Non. Non mais bah, juste pour représenter les couleurs de RLM, tu pourrais te présenter, non? Alors le zaï-zaï de Pierre Perrette, ça sera pas possible. Ah, moi je vous promets un truc, c'est de Crète sur la plage, je vous mettrai un truc RLM de la Crète. Ah bah j'espère avec bien. Les champions de France, on peut dire champions de France, bien sûr. Gagner. Ouais. Et donc ils représentent l'Europe, j'essaierai avec des équipes italiennes, allemandes, tout ça, de leur mettre le truc. Ah oui, ce sera un bel happening. Voilà. Et on aura aussi, je pense que tu vas nous faire venir Richard et Kaina, pardon. Elle adore Kaina en plus. Ah oui, non, j'adore Kaina et j'adore aussi Richard. Alors je lui ai envoyé un texto lui disant écoute l'émission, il y aura de la Kaina. Non, Kaina, voilà, qui a une voix exceptionnelle. Richard aussi, ils sont très très bons chanteurs et c'est vraiment pas pour les flatter. Ils sont en train de répéter. On se voit demain, on se voit encore samedi en répétition. Ça envoie du feu de Dieu. J'ai bon espoir. Maintenant, quand je vois, voilà, pour terminer, on pourra parler de l'Eurovision quand je vois les jurys et ce qui s'y passe. Après, c'est un concours, on verra bien. Mais on prendra du plaisir. dernière sur la fréquence, premier sur les hits, RLM, 107.9 FM. Et c'était donc Cyndi Lauper avec Girls Just Wanna Have Fun. Et Cyndi Lauper qui a repris le monde des Stones en anglais. Oui. Bravo, non. Tu connais. Ah oui, c'est vrai. Non, oui, clairement. Ouais, Stone, ouais, le monde des Stones, bien sûr. Dans un album, alors je ne sais pas si c'était produit sur scène, c'était Tycoon. Oui, Tycoon. Tycoon, mais je sais pas s'ils ils avaient fait une scène réellement. Ou alors est-ce que ça a été fait que pour un album ? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je crois que c'est que l'album, il me semble. Dans son album True Colors. Ça, c'est True Colors, c'est dans son album. Ah, Girl Just Have Fun. Non, tu parles The World Is Stone. C'est la reprise est sur son album maintenant. Est-ce que ça a été fait ? Oui, je sais pas. Bonne question. Bah, Marine va nous chercher ça. Pour la semaine prochaine. Voilà. Merci, Marine. Marine, quel micro ? Bah, maintenant que tu as le micro, tu le gardes. Ah. Hein, voilà, parce que tu as une info, une actualité assez sympa qui va avoir lieu donc d'ici quelques jours, pas très loin de chez nous d'ailleurs, en France. Oui, à Comines. Donc c'est le foyer Allumain qui fait partie de l'association Les Papillons Blancs, Roubaix de Tourcoing. Ouais. Donc ils organisent une soirée qui s'appelle Comme un incroyable talent, le 26 mai à la salle Lys Arena à 19h. Et c'est une soirée faite par les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Donc c'est une soirée où ils vont devoir chanter, danser, ils vont faire de la magie sur scène. Et... Ce sont les gens du Papillon Blanc qui font le spectacle. Voilà, donc ça a été organisé par les éducateurs. Ah, c'est et c'est cool, toutes ça. Les personnes qui ont des handicaps autour en fait qui se mettent tous ensemble pour préparer une soirée pour le public. Du coup. Donc c'est encore possible d'avoir des entrées. Donc les préventes c'est 10€, sur place c'est 12€. Et donc Ouais. Elle laisse un blanc parce qu'elle vient de se faire engueuler parce qu'elle n'a pas avec son stylo. Mais Canon, tu la troubles. Non. J'ai pas regardé. Rappelle-nous, donc le nom de la soirée, il y a un nom particulier. Donc ça s'appelle Comme un incroyable talent. Ouais. Voilà. Donc à Comines. À Comines, à 19h le 26 mai, à la salle Lys Arena. Et donc quand le spectacle est terminé, il y a le groupe Goldman qui vient. Donc personnes qui reviennent pour reprendre tous les tubes de Jean-Jacques Goldman. Ouais. Oh, cool. Et cette soirée, elle est il y a Justman, Elodie Frégé, Amir, Miss France qui ont mis des messages pour dire qu'ils sont pour la soirée. Ah, bien. Ah, c'est bien. Et Elodie Frégé aussi, on l'entend plus. Elle chantait très bien, Elodie Frégé. Ah ouais. Ah oui. Ah, ouais, c'est une chanteuse. Bien sûr, c'est une chanteuse. Qui avait gagné Star Academy, je pense. Qui est Star Academy. Oui, d'accord. Une blonde un peu sculpturale et qui chantait très très bien. Très... Oui, elle savait chanter rock'n'roll. Ouais, c'était pas mal. Et elle a disparu des radars parce que, pour moi, voilà, elle chantait bien, mais elle avait aussi un physique représentatif. Et c'est vrai qu'elle a disparu. On l'a revue dans des reprises, mais plus. On la verra dans un film bientôt puisque même Jennifer maintenant fait des films sur téléphone. Téléfilm. Téléfilm. Carton, il paraît. Ouais, craqué. Traqué. C'est toi qui as craqué. Non, c'est. Ne commencez pas, les garçons. Écoute, Marine, 26, à Comines, oui, à partir de 19h. Il y a un numéro de téléphone. Oui, comment fait-on Donc ça se passe par téléphone, donc au 03 20 69 05 30. Et de la Belgique. Et de la Belgique au plus 32 20 69 05 30. Bien, j'imagine que sur internet, si on tape l'info, on va retrouver une page ou oui, sur Facebook. Y a la page sur Facebook. Donc sur Facebook, vous notez comme un incroyable talent à Comines. Et donc là, il y a le site où ils expliquent bien, mieux que moi du coup, tout ce qui se passe cette soirée. Au moins, on a eu l'info. Bonne nouvelle, c'est une belle initiative. On a quelques instants aussi pour rappeler qu'il va y avoir une super soirée, et pas chez un ami qu'on adore, ça s'appelle, donc c'est les salons des orchidées. Le salon des orchidées, les salons. Ah, les salons des orchidées, mon ami. Eh oui, ça se notre ami. Waterloo. Absolument, une merveilleuse salle. Vous allez voir le cadre, il est merveilleux. Il y a une super soirée dimanche. Oui. Soirée couscous avec karaoké en première partie et ensuite trois DJ qui vont venir jouer. Il y aura Didi Alex Morgan. Ah, il y aura Didi So. Yeah. Didi So. Oui. Didi Arnaud Tirard, un petit jeune qui se lance. Voilà. Et puis donc ça va être une soirée qui démarre à partir de 19h, c'est ça? Oui, c'est ça. Jusque tard dans la nuit, jusqu'à non, on peut plus. Petit matin. Jusqu'au petit matin. Donc c'est 25€ donc le repas ou alors 15€ si 10€ si vous souhaitez assister juste qu'à la soirée. Et bonne nouvelle. Alors, si vous nous appelez, si vous nous appelez pendant la pause musicale, donc au 056 34 11 81 ou au 00 32 56 34 11 81 si vous nous appelez depuis la France, on vous offre deux repas. Donc deux places pour la soirée et le repas en plus. Le couscous. Ah bah c'est bien. Et voilà. C'est pendant la pause musicale, surtout n'hésitez pas, donc appelez-nous et puis vous pouvez remporter donc deux places pour cette fameuse soirée, cette célèbre soirée qui aura lieu donc au Salon des Orchidées, donc à Waterloo. Donc je rappelle le numéro 056 34 11 81 ou 00 32 56 34 11 81. Elle peut pas dormir. Je l'emmène au cinéma, je lui fais des câlins. Je la fais rire. Un peu comme un grand frère, un peu incestueux. Quand elle veut. Puis son gamin, c'est presque le mien. Sauf qu'il a les yeux bleus. Elle a fait. Toute seule. RLM 107.9 FM. RLM. Oui, elle a fait un bébé toute seule de Jean-Jacques Goldman. Ah bah justement, bonne transition puisque Onissa. Onissa, évidemment. Oh my god. Alors Onissa, évidemment, tu vas nous parler, alors toujours des petites rétrospectives sur des feuilletons, des dessins animés. Oui, là sur, j'ai fait un dessin animé. Ah bah tiens, ouais. Alors en plus celui-là, il vient de très loin, il vient de derrière des fagots. Non, c'est un beau dessin. Et tu sais qu'il passe encore à la télé, hein. Ah oui, vraiment. Ah oui, oui. Oui, c'est Onissa une maison maintenant. On s'entraîne en 3D maintenant. Hein. Elle fait plus ses chroniques dans les champs. Maintenant c'est en 3D, hein, par contre. Bon bref, donc je vais vous parler de Oum le petit dauphin. Bah oui, oui. Et ça s'appelle encore Oum. Oui, ah ouais. Ça s'appelle toujours Oum le petit dauphin. Il n'a pas changé le dauphin, il est blanc avec son petit œil bleu. Et ça date hein, quand même. Bah déjà, il a fait la pub. Galak. Oui, pendant oui, 35 ans ça a été diffusé. C'est extrêmement rare. Ah ouais. La publicité a été diffusée pendant 35 ans. D'accord. Et donc, alors, est-ce que c'est la pub, c'est le dessin animé tiré de la pub ou c'est la pub qui est tirée du dessin animé? Non, non, c'est. En fait, c'est grâce à la musique de. Pardon. Michel Legrand. Ils ont repris la musique de Michel Legrand et ils ont pris en même temps le petit dauphin pour faire la pub du chocolat blanc. Ah, et après, c'est devenu un dessin animé alors? Non, non, c'était un dessin animé avant. Ah oui. Ah, c'est Legrand qui a fait la oui, musique. Qui a fait la musique. Ça, je ne savais pas, tu vois. Si. C'était l'été. Et enfin. 52. C'est du Michel Legrand, ça. Et en fait, c'est un dessin animé qui a énormément cartonné parce qu'il prenait que l'écologie et la vie des animaux et la vie vraiment. Du chocolat. Non, ouais. Ça c'était après, je parle du dessin animé. Il y avait un petit gamin, c'est ça? Oui, on va ah parler. Oui, non, mais d'accord, non, mais je veux dire, j'ai tant ah bah oui, de bien sûr. Qui se souvient des personnages? Il y avait Oum, moi. Ah bah là, heureusement qu'il y avait Oum. Ah, comment elle parle comme une jeune, celle, lol. Il y avait Pim et Pam aussi. Non, je sais qu'il y avait une rouquine, mais je me souviens plus de son prénom. Ça m'aurait étonné. Et puis un petit blondinet, mais ah, je ne sais plus son prénom. Il s'appelle comment? Je ne sais plus, Pierre. Yann. Yann. J'étais pas loin. Ouais, donc c'est un ado de 15 ans, rigolo, sensible, et bien sûr. Un peu efféminé. Qui adore. Ouais, faisait un peu Yam. Il est jeune, hein, il est en. Comment dirais-je? Il est faible. Il est prépubère, voilà. Il est faible. Ouais. Donc il y a Yann, il y a Marina, c'est la petite sœur de 7 ans. C'est la petite sœur à Yann. La rouquine. Non, c'est la petite qui promène toujours avec son koala. Vous vous souvenez plus? Non, je me souviens plus. Si, tu peux nous rappeler, il est sorti en quelle année ce dessin animé? Parce que. Alors il est sorti en 71. Ah oui, d'accord, bah c'est ouais, pour ça que je m'en souviens pas. T'étais déjà avec Clara Morgan, toi. Bah non, mais sérieux, elle repasse actuellement. Moi, il y a pas. Oui, mais ça passe souvent. Moi, j'étais coincé derrière un placenta. Donc, en fait, les deux enfants, Yann et Marina, arrivent et vivent. Alors, vont vivre chez leur oncle Patrick, qui habite une superbe maison en bord de plage. À Tahiti, enfin le top de chez top. Et là, il découvre alors toute la nature. Et bien sûr, Yann va tomber fou amoureux de Timothy, une jeune fille de 14 ans qui vit seule avec sa maman, Maëva. Rousse. Mais 16 quand même. c'est pas Zora la Rousse qu'on fait. C'est toujours pas elle la Rousse. Et donc, j'en reviens à Timothy. Donc, elle vit seule avec sa maman et c'est Maëva qui tient le restaurant où. Beaucoup de choses se passent, la vie du village et toutes les aventures. Ça vous rappelle quelque chose quand même? Oui, et cuisine du dauphin d'ailleurs dans le restaurant. Oui, c'est ça. Non. Après, il y a Oru. Donc, Oru, en fait, c'est le fils du chef du village qui est toujours en compétition avec Yann, le petit blondinet qui vient d'arriver, ouais. Pour conquérir le cœur justement de Timothy. Timothy. Ah, je viens de recevoir un message là. Ah, j'avais compris Timothy. Moi, Timothy beaucoup. Timothy doit, je te fous le cœur. Je viens de recevoir un message qui dit quand est-ce que tu vas parler de Oum. C'est toi, je ne fais que répéter. Eh bien, je suis occupée de parler. D'accord, mec. Bon. Ouh. Et après, il y a Toanaku. Ça, c'est le. maintenant. C'est le chef du village hein, qui est fort impressionnant. C'est un gros costaud. Essayez de vous remémorer le dessin animé, please. Pas du tout. Impossible. Après, il y a Ramana, le sage du village, un peu complètement fou, qui habite une maison au fin fond du village. Vous voyez vraiment pas? Non, pas du tout. Mais attends, le gars qui a fait les prénoms, il est tombé sur son clavier, quoi. Mais non, mais bon. Toi, la cul. Il y en a qui s'appellent Azerty. Non, mais ça vient de quand même de. Tahiti. De Tahiti, donc oui. C'est des noms. Toi, Naku, alors. Tahiti. Non, en particulier. Et alors, il y a un méchant, le cher monsieur Van Crow. Lui, c'est un. Un aventurier très très riche et qui veut absolument conquérir l'île de Matungu pour ses trésors et tout ça. Et il est aidé de deux hommes. Ça vous dit rien du tout? Non, ah, c'est pas si, moi il y a des bribes. 71, c'est 71, j'étais pas né. Vraiment. Donc après, on parlera de l'histoire et. Essayez de vous rappeler quand même. Et la rousse. Ouais, on essaiera de Il n'y a pas de remettre ça. Tu l'as rêvé, ta Si, dans la pub, il y avait une rousse. Mais oui, mais elle l'a dit. Mais oui, merci, Sherlock, il y en a un qui écoute. Je sais pas quoi, là. Ouais. Bon. Non, je vais te demander si... Si, c'est la fille. Si Timéti, si t'es... C'est bon, ok. Allez, on essaye de remettre tout ça dans l'ordre. Voilà. Touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine. Calls for the stuff you love to blame. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name. Michael Caine. Bonjour, c'est Jean-Luc Fong de Stella et vous écoutez RLM à la radio. Ça sert à rien que je dise la fréquence parce que s'ils l'écoutent, c'est qu'ils ont la bonne fréquence, tu comprends? Donc je vous dis pas la fréquence, vous n'avez qu'à regarder sur votre poste. RLM 107.9 FM. Donc nous revenons à notre cher petit dessin animé. Vous avez vraiment pas de souvenirs, soyez sympa. Très peu. C'est vrai que Les pubs en fait. Ouais, la pub pour Galak. Après le reste, le dessin animé. Ah oui, il faut savoir quand même que c'était la première. Il faut dire deux autres noms de chocolat, non? Non. Ah, pas forcément. Bah, on a parlé de Galak. Non, en Belgique. Non, non, en Belgique, ça va. Non. Ouais, on peut dire Léonidas, Chocoletti. Et Chocoletti, voilà. D'accord. Et je plus, mais Ah, bref, je reviens quand même à ma chronique. Hein, donc, c'est quand même la première série écolo française. Mm-hmm. Et c'était quand même la première production entre la France et le Japon. D'accord. Ah, à cette époque-là. Donc, on peut considérer que c'est un manga. Ou pas. Les prémices, on va dire, allez. Vraiment, tout début. Par contre, ils sont quand même. Allez, c'est vraiment une série qui prône pour la nature. Ils sont portés par beaucoup de personnalités, comme le commandant Cousteau, Paul-Émile Victor. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur pour défendre justement la nature. Et ça se passe. Allez, il y a un peu de violence, mais jamais vraiment de. Pas comme dans les prochains mangas. Il n'y a pas de mort, quoi. Oui, et puis il y a pas de, il y a toujours une morale et toujours sur fond de la nature et la défense des animaux et de la mer et de la terre. Et c'était, ils passaient les dessins animés seuls ou c'était dans le cadre d'une émission style Club Dorothée, enfin pas à l'époque, mais. Actuellement, ils repassent encore. Ah si, peut-être que dans style Croque Vacances. Ouais, mais c'est 71. Attention, c'est en 71 seulement. Hein, 71. Vous étiez pas né. Vous étiez pas né, vous. Ouais, c'est lancé après, quoi. C'était vraiment les petits dessins animés pour les enfants. Mais allez, ça parlait quand même bien de. Après, c'est vrai que bon, c'est un dessin animé où ça se résume en franche rigolade, un peu de moralité, parce qu'on a quand même des ados. Mais beaucoup de rire et aller la plongée, les disputes, mais plus pour les enfants. Quoi. Maintenant, on a Zig et Charcot. Non, mais c'est une époque, c'était sympa parce que les gens s'intéressaient à ça. Maintenant, tu mets ça, ça fait flonflon alors que c'était des beaux dessins. Oui, moi, je l'ai encore vu passer il n'y a pas longtemps. Sur ah, ouais. Ah oui, mais pour les gamins, c'est bien. Ou je sais pas quoi. Ah ouais. En 3D. Ah non. Ça, oui, mais enfin, ça a attiré les enfants parce que bientôt femme, faut pas rêver. Oui, mais c'est parce qu'ils ont aussi remanié les thèmes, à mon avis. Si tu reprends les thèmes qu'il y avait dans les années 70, je pense que ça passerait pas aussi bien maintenant. Ça passe dans à peu près les mêmes dessins animés, la même chose que quand j'étais petite. Ah ouais. Ah ouais. Je suis pas beaucoup plus grande. Ouais, sauf que sans couleur. Il est toujours blanc. Non, parce qu'on dit ça, c'est vrai, c'est. Je vous parle d'un temps, je vois sur tes notes, la 71, il y a 52 épisodes, c'est ça? Oui. Donc, c'est ça. En admettant même qu'il n'y en ait qu'un par semaine, je veux dire, ça a été 71, 72. Et bon, à part moi, toi-même. Oui, toi, oui, aussi. Moi, j'avais 4 ans quand c'est sorti. Ouais. Pourtant, j'ai revu en boucle, et c'est pour ça que je parle du Club Dorothée. Je me demande dans quelle mesure il n'avait pas repassé après. Si, mais je pense qu'il y a eu des rediffs et tout. Je sais pas si il est passé sur Club Dorothée. Là où Christophe Isard. Moi, je dirais plus comme toi, Croque-Vacances. Ouais, Christophe Isard. C'est ça. Mais il y a des tas de feuilletons, de dessins animés qui sont passés après. Claude Pierrat. Marine nous regarde comme un zombie dans le thriller. C'est resté beaucoup dans les mémoires, je pense, plus avec la publicité. Oui, mais c'est ça, oui, bien sûr. Bah oui, bien voilà, sûr. Voilà. Partout, quand ils aveuglaient les gens avec du Galak. Oui, ouais. Voilà, c'est la seule chose que t'as retenue, toi. Oui, mais c'est ça. D'ailleurs, c'est là où on peut se poser la question de l'écologie quelque part, quoi. Enfin, d'un côté, t'as une tablette de chocolat, à mon avis, qui doit pas être très écologique, et de l'autre côté, un dessin animé qui est écologique. Que, il faut savoir que le dessin animé, au départ, c'est la première série écologique avant d'avoir la publicité de Galak. C'est deux choses totalement distinctes. Ouais, c'est la pub qui a repris ça. S'ils l'ont pris, c'est parce qu'il y a une certaine hégémonie. Ils l'ont payé, c'est tout. Certaine hégémonie chez les jeunes de se dire c'est à côté naturel. Voilà, et on parle des dauphins. Et puis c'était peut-être aussi un peu la même époque que Flipper. Flipper le dauphin. Non, on n'était pas très loin non plus. Cancer, oui. C'était un petit peu après, je pense. Flipper, c'est un Flipper, ça va. Marine me regarde. Flipper, ça va. Marine connaît Flipper. Marine, elle se dit. T'as déjà joué ? Je suis pas sûre que je vais remplacer la vieille. Bon, en tout cas, merci pour cette rétrospective sur Oum le dauphin. Oum. Tu peux nous faire un petit dauphin. Non, je vous laisse. Ah ouais, justement, allez, un petit tour de table. Qui peut imiter le dauphin? Allez, vas-y. C'est pas dauphin. Marine, tu le ferais comment le dauphin? Je ne saurais pas le faire. Ça va le faire. Je le fais que le sort. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je plains le prochain qui va avoir ce micro. Ça, c'est pas dauphin. Bon, allez. On va continuer en musique, Sherlock. Il faut rattraper le. Je n'ai pas écouté Odyssée à faire dauphin. C'est pas mieux pas. Bon, on va se retrouver juste après Moran avec un prélude de Bach. Absolument. Thank you. citerne de gasoil. Toi qui courais dans les flaques, moi et ma tête à claque. Je n'étais qu'un pot de colle. Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, ma raison s'envole et toutes ces amours qui se détraquent et les chagrins. Je traîne ma casserole dans cette décharge de rêve en Pâques. Qu'on bazarde au prix du pétrole pour des cols blancs et des corbeaux. De Bach, je donnerai les Charles Mozart en vrac, la vie en rose, le rock and roll, tous ces bémols et tous ces quacks. Prélude de Bach. Oui, alors le prélude de Bach, donc une chanson de Morane, donc Morane qui malheureusement donc nous a quitté la semaine dernière, le 7 mai. Alors j'avais envie de faire un petit hommage évidemment parce que Morane on la connaît bien en Belgique, peut-être un peu moins en France. Donc elle est née en 1960 et elle est décédée donc le 7 mai 2018. Donc c'était Claudine Luipart. Et au début, elle se faisait appeler Claude Morane. Claude Morane qui était chanteuse, auteure, compositrice, interprète et comédienne. Et oui, d'accord. Parce qu'elle a fait 6 films. En fait, elle a fait 6 apparitions dans des films. Ouais, absolument. Donc, elle a été révélée, et vous le savez, en 1980, dans le rôle de Marie-Jeanne dans Starmania. Je vous l'avais dit tout à l'heure, effectivement, qu'elle avait dû arrêter donc sa carrière, en tout cas son passage dans Starmania, puisqu'elle démarrait sa carrière donc solo. Il faut savoir qu'elle est quand même. Elle a été aidée puisqu'elle est fille de compositeur, son père, et fille aussi donc de prof de piano, sa mère. Elle participe, tiens donc, en 1979 à un spectacle qui s'intitule Jacques Brel. Et oui, d'accord. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a retrouvé justement il y a 2 semaines avec des chansons de Jacques Brel. Et à l'époque, en 1979, elle était accompagnée de Philippe Lafontaine, qu'on connaît aussi également, artiste belge. En 1988, bon, j'en reviens là-dessus, effectivement, elle remplace Fabienne Thibault dans Starmania, la deuxième version de Starmania, qui était aussi, à l'époque, dans cette version-là, on pouvait retrouver Renaud Hanson, Vous vous souvenez de Renaud Hanson? Oui, bien sûr. Bien sûr, qui avait aussi tenté une carrière solo. Oui, absolument. Voilà. Et donc, elle décide de se reconcentrer donc, sur sa carrière avec un titre en 1989 qui va vraiment la lancer, qui est Toutes les mamas. Toutes les mamas, exact. Petite coupure musicale et je vous parlerai de la suite juste après. Ok. Eh ben, je vous propose de repartir avec Céline Dion. Un petit duo avec Céline Dion. Elle a fait un superbe duo avec Céline Dion qu'on va s'écouter tout de suite. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure. Chaque jour, quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nul autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de mer. Que l'amour, évidemment, reprise de Jacques Brel, donc un merveilleux duo de Céline Dion et de Morane. Alors, tout à l'heure, on avait écouté donc sur un prélude de Bach, et moi, je me posais la question parce que, évidemment, elle a fait un excellent duo avec Lara Fabian. Et Lara Fabian a fait aussi Adagio, justement. Oui. Et avait repris une musique d'Albinoni, l'Adagio d'Albinoni, qui est aussi une très belle chanson. J'adore. Et je me suis posé la question, je me suis dit, peut-être qu'effectivement, Morane lui a peut-être soufflé l'idée ou l'a inspiré pour reprendre donc un titre tout simplement classique et puis en mettre des paroles dessus. Et je trouve ça génial. Là, pour le coup, c'est super bien fait. En 1994, il faut savoir une chose quand même, c'est qu'aux Victoires de la musique, une récompense que, en tant qu'artiste interprète francophone de l'année aux Victoires de la musique devant Céline Dion et Stéphane Escher. Donc Stéphane Escher, je suis un peu moins étonné évidemment, mais Céline Dion quand même. quand même. Alors elle a fait pas mal de duos aussi, on peut retrouver sur internet. Alors quand je suis allé voir les infos, elle en a fait mais des tonnes, oui, des merveilleux duos, notamment, alors j'en cite que quelques-uns, avec Michel Fugain, avec Eddie Mitchell, avec Lara Fabian bien sûr, avec Tu es mon autre, oh, en 2001, qu'on écoutera évidemment. D'ailleurs on va la dédicacer à Nathalie qui nous écoute et qui nous remercie de rendre hommage à Morane et qui l'adore. C'est 2001, Tu es mon autre. Oui, c'est 2001, absolument. Alors elle a participé aussi également à beaucoup d'œuvres caritatives, contre le sida par exemple, et bien sûr Les Enfoirés. Oui, c'est juste, beaucoup, oui. Beaucoup pour Les Enfoirés. En 2003, évidemment, donc elle se fait entourer de pas mal de grands artistes, donc des auteurs, comme Goldman, comme Lavoie, comme Forestier, entre autres, dans un album qui s'appelle en 2003 Quand l'humain danse. Et donc là, vous allez retrouver pas mal de ses chansons. En 2009, elle fait des reprises en hommage donc à un artiste qu'elle adore plus que tout, Nougaro. Oui, voilà. Et là, je peux vous dire, voilà. Cet album a très très bien marché, où elle reprend donc tous les meilleurs succès de Nougaro. En mars 2018, elle annonce un album donc de reprise de Jacques Brel. Donc il y a 14 titres qui devraient sortir donc cet été. Voilà. Entre deux, elle a eu un problème de santé quand même. Oui, alors elle a eu un problème de santé, effectivement. Alors je pense que c'était un œdème au corps de vocal, et pendant 2 ans elle n'a pas pu chanter. Et elle est revenue donc il y a 2 semaines sur scène. Ça faisait 2 ans qu'elle ne chantait plus. J'avoue que quand j'ai vu la vidéo, on peut la voir maintenant, hein, la vidéo. Eh ben son grain de voix n'a pas changé. Non, elle chante clair. Vraiment toujours aussi bien. Seulement, effectivement, elle n'interprète que 3 titres. Et on le sait par l'intermédiaire de journalistes qu'elle était très fatiguée, que c'était pas évident pour elle, malgré tout. Donc voilà. Ce qu'on sait moins, c'est qu'effectivement, elle a fait du cinéma. Oui, alors ça, voilà. Franchement, je me souviens. Elle a fait du cinéma. Pas, alors, elle a fait des téléfilms et des films. Et le dernier qu'on connaît, c'est Le Collier Rouge, film de Jean Becker. Dans lequel elle joue, ça vous parle peut-être ? Non. Mais le nom des chefs. Voilà, non. C'est sorti en 2018, hein, donc c'est sorti il n'y a pas longtemps. Oui, hein. Écoute, donc elle a joué dedans, voilà. Alors il y a eu quand même pas mal aussi, on peut le dire, parce qu'elle avait pas sa langue dans sa poche, pas mal polémiques autour de Morane. Notamment, alors rappelez-vous sur Twitter, puisqu'elle faisait de la pub pour Weight Watchers. Oui. Rappelez-vous. Oui, c'est et juste. Voilà. Et il y a eu des petites batailles entre des tweetos et Morane, où elle n'a pas hésité à dire que toi t'étais grosse. Enfin bref, c'était un peu des petites batailles de femmes rondes, on va dire. Mm-hmm. Et ça avait fait du bruit quand même dans la presse à l'époque. Elle s'en était excusée. Elle avait fait partie en 2013 aussi de The Voice Belgique, donc dans le jury, et là elle n'était pas tendre non plus avec les candidats. Oui, elle n'avait pas sa langue dans sa poche, et d'ailleurs elle avait dit à une des candidates, et ça m'avait amusé, qu'elle était une Vanessa Paradis de chez Ziman. ça vous donne un peu l'idée du personnage. Alors j'ai redécouvert Morane, parce qu'effectivement il y avait des titres que j'avais complètement oubliés, des titres très nostalgiques quand même, beaucoup. Sauf Pagaie la pagaille, justement. Je trouve que ce titre-là est assez, assez sympa. Et il y en a un autre où je suis tombé dessus, où elle rend hommage donc à Véronique Sanson, qui s'intitule Ma révérence. Et je pense que là, ça vient à point nommé. Est-ce que tu l'as dans ton, oui, bien dans sûr. Ton escarcelle, mon ami Sherlock ? Je l'ai. Alors je vous propose. Il est magique, lui. Pour clôturer cet hommage à cette belle voix francophone. Bel hommage. Je vous propose d'écouter Ma révérence, interprétée par Morane. Il faut voir aussi l'image. Là, on a le son. Regardez la vidéo avec Véronique Sanson qui l'écoute. Et vraiment, c'est très, très émouvant. Donc, c'est pour tous les gens qui écoutent donc, RLM, hommage à Morane, avec donc, Ma révérence de Véronique Sanson, interprétée bien sûr par Morane. Tout le temps du courage. Quand j'aurai mis 20 ans à voir que tout était mirage, je tire ma révérence, ma révérence. Quand mon fils sera grand, qu'il n'aura plus besoin de moi. Je leur tire ma révérence, je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage. Que je suis seule au monde. RLM 107.9 FM. Et oui, donc elle aura malheureusement donc tiré sa révérence, Morane, vous l'aurez compris, qui va nous manquer. Voilà, donc c'était mon hommage donc à Morane. Bah, bel hommage. Vous êtes toujours donc dans l'émission 120 au compteur sur RLM, donc 107.9, comme tous les mardis soirs, donc de 20h à 22h. On vous rappelle le jeu concours, notre ami Abdel des salons des Orchidées organise donc une merveilleuse soirée donc dimanche prochain. Donc le lendemain c'est férié, profitez-en. Ah oui, c'est vrai. Voilà, absolument. Donc dimanche prochain à partir de 19h, donc c'est une soirée couscous. Soirée couscous avec donc en première partie karaoké. Donc si vous avez envie de pousser la chansonnette comme Marine par exemple, vous pouvez y aller. Et puis ensuite vous aurez donc 3 DJ qui vont venir mettre le feu donc au salon donc des Orchidées. Il y aura DJ So, il y aura DJ Alex Morgan que j'adore. Alors années 80, oui. Lui est terrible. Ah ce soir, vous écoutez Full and Fire. J'adore. La Citroën immatriculée AZ 59. Non mais j'adore. Franchement j'adore. Et il y aura Arnaud Tirard évidemment que vous connaissez, qui sera aussi donc au platine. Donc pour réserver c'est très simple, vous allez sur la page Facebook donc les salons les Orchidées donc à Waterloo. C'est 25€ et franchement c'est pas cher, couscous plus la soirée plus la totale. Ouais, ouais, ouais. Et croyez-moi les boissons aussi ils sont à prix démocratique, je peux vous le garantir. Et on a une bonne nouvelle parce que Abdel vous fait gagner donc 2 places. Oui, 2 voilà. Places donc 2 repas. 2 repas donc pour deux assister repas à la totale. Et hein. La soirée, oui. Hein, ouais. C'est ça. Okay. Donc vous n'hésitez pas donc à nous appeler dès la coupure musicale au 056 34 11 81 ou si vous appelez depuis la France au 00 32 56 34 11 81. Ou la page Facebook. Ouais, il l'a dit avant. Ouais, mais il dit tellement de trucs. Ah oui, ah oui. Ou sur la page Facebook, sur votre compteur, évidemment. Ouais, bah oui, évidemment, n'hésitez pas. Évidemment, bon, là on va changer complètement de sujet, c'est que je vais vous parler d'un film. Alors, un film de l'année 2001, parce que là je vois ma tablette, donc effectivement là je peux vous dire que c'est de l'année 2001, et plus précisément du 19 décembre 2001. Oh. Mercredi. Oui, bravo. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce film? C'est que le film a fait 6 637 327 entrées au box-office français. Ah ouais, tout ça. Ouais. Il a récolté 8 prix. 4 Oscars et 4 BAFTA, ouais. Et 22 nominations, notamment 9 Oscars, une nomination à Gérard May, au Jules Verne, 7 BAFTA et 4 Golden Globes. Qui a fait la musique? James Horner? Non, Howard Shore et Enya. Ah ouais, d'accord. Alors, est-ce que ça vous parle un petit peu? Non. D'ailleurs, en vous parlant d'Enya, je vais vous passer donc la première musique du film, écoutez bien. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. Est-ce que ça vous parle? Ah, c'est assez onirique hein, comme musique. Oui, alors bon, pour ceux qui auraient trouvé, ne dites pas tout de suite le titre, mm-hmm. Mais donnez des les indices. Les auditeurs ne peuvent pas le dire, hein, mais on va pas l'entendre. Mais donnez peut-être des indices aux camarades autour de la table. Ouais. Alors, je peux vous donner peut-être des noms d'acteurs dans le film. Il y a Cate Blanchett, Sean Bean, Ian Holm, John Rhys Davies, Christopher Lee, Ian McKellen, Orlando Bloom, Liv Tyler, pour ne citer que on va dire les moins importants, mais est-ce que, même les moins importants. Est-ce qu'on pourrait confondre avec un film, alors le titre est très proche, un film avec Anthony Hopkins? Oui, bah effectivement. Ouais. Ah bah oui, bah évidemment. Ah bah on oui. peut confondre. Voilà. Est-ce que dans le studio, on en a un qui a presque le physique d'un des personnages du film? Oui, pourquoi pas. Bah, la radio, c'est quoi tu regardes? Alors, je vais vous passer un deuxième extrait, c'est un extrait de dialogue, écoutez bien. Alors tout aura été fait en vain. La communauté a failli. Pas si nous restons loyaux les uns envers les autres. Nous n'abandonnerons pas Mary et Pipin à une mort atroce. Non. Pas tant qu'il nous restera des forces. Débarrassons-nous de tout ce qui n'est pas nécessaire. Voyageons léger. Allons chasser de l'orque. Bon alors forcément, on entend que la musique est coupée. Ouais. Mais Pipa, il a dit Pipa. Non, pas Pipa Middleton. Non, Pipa, mais il dit Pipa. Non, Pipin. Ah ouais, merci. C'est pas pareil. Alors, ah oui, et Liv Tyler dedans, elle est merveilleuse. Oui, Liv Tyler. Bon, elle est déjà merveilleuse d'origine, mais... C'est vrai. Mais là, dans ce film-là, ouais, waouh. Ouais. Un peu des oreilles endogalement. Bah je suis pas sûr, non, si, ses oreilles sont normales dans ce film-là aussi. Non, du tout. Ah non, elle a des oreilles d'elfe alors. C'est ça. Ah ouais, je me rappelle pas, mais c'est pas les oreilles que je regarde en général. Tu vois, Sherlock, t'apprécieras que j'ai pas dit elfe. Oui, c'est lui qui l'a lâché. C'est vrai. Alors, écoutez, j'ai rien lâché du tout. Il y a un deuxième extrait dans ce film qui est cultissime, c'est celui-ci. Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Anor. Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudoune. Repartez dans l'ombre. Vous ne passerez pas. Alors forcément, ça vous dit quelque chose. Ah bah, vu Luc Adam comment il est dans le studio, à mon avis, ça lui dit quelque chose. Mais je suis pas sûr que c'est le même film. Je suis pas certain. C'est disons qu'il a fait sa réadaptation. Ouais, c'est ça. C'était hier soir. Ouais. Cours. Effectivement, je me doute de ce qu'il a dit encore. Alors moi, j'ai un indice. On a un chroniqueur qui parle à peu près pareil que l'un des personnages du film. Oui, effectivement. C'est moi dont tu parles. Non, bah tout de suite. Mais quel personnage? Ah bah. Qui c'est qui parle comme ça? Me l'a volé, mon dit petit hobbit joufflu. Alors je rappelle quand même qu'on est dans l'émission 120 au compteur, on est toujours sur RLM, hein, je vous rassure. T'as pas dit pipa, mais tu viens de dire hobbit. C'est vrai. Bon, après on dira pas que c'est moi. Et donc, la musique du film qui est, on va dire, mémorable, c'est celle-ci. Côté Jurassic Park. Oui, c'est vrai, ouais, avec les timbales derrière. Non, je rappelle avec le geste du chef d'orchestre. Là, je suis obligé, Sherlock, je suis musicos pour tous les musiciens qui attendent. Si c'était pas les cymbales, c'est ce qu'on appelle la tonade, c'est-à-dire c'est les accords majeurs. Vous savez quoi, j'ai envie de sortir une connerie. Franchement, dans ma tête, j'avais envie de sortir une connerie, mais je vous la sortirai après. Si je la sors maintenant, ça grille tout. Nous la sortons pas maintenant. Bon, alors bon, effectivement, vous avez trouvé, c'est Le Seigneur des Anneaux. Bien sûr. Et justement, pendant que tu peux passer la musique, c'est un petit côté Le Seigneur des Anneaux. J'ai failli dire ça en fait. D'accord. Et donc c'est lequel du Seigneur des Anneaux? Parce qu'il y en a eu trois. Ah bah en 2001. Bon, en 2001, oui. Deuxième. The Return of the King. Eh bien non. Ah. C'est pas celui-là? Non. C'est donc la Communauté de l'Anneau. D'accord. C'est le tout premier en fait qui est sorti en 2001. Donc c'est un film de Peter Jackson avec Elijah Wood, Sean Astin et Viggo Mortensen dans les rôles, on va dire, principaux. Oui. Même si à l'époque il n'était pas très connu. Non, c'est vrai. C'était plus des acteurs inconnus que des acteurs connus. Il y avait quelques-uns qui étaient assez connus comme Christopher Lee. Oui, Dracula. Oui, c'est ça. Mais par rapport au reste du film, c'est pas lui qui a le plus grand rôle en fait. Non, non, non, non, non. Alors bon, je vais revenir un petit peu sur l'histoire. Donc c'est le jeune Frodon, Frodon Sacquet, qui hérite d'un anneau. Pas Frollon. Non, Frodon. T'as dit Frollon. Non. T'as dit Frollon. Non, mais non. Marine, t'es témoin. Ouais. Il a dit... Bon, ça suffit. Il a dit Frollon. Bon. C'est Frollon le hobbit. Donc c'est le jeune Frodon Sacquet qui hérite d'un anneau. Et bien loin d'être une simple babiole, il s'agit de l'anneau unique, un instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, le seigneur des ténèbres... Mais arrêtez. Oh, et puis merde, je vous mets une musique et puis Non, continue, évidemment. Prenons, t'es saqué. Bon, ok. Charlotte, alors, avec. Donc. Donc, permettrait donc à Sauron, le Seigneur des Ténèbres, grâce de régner sur la, oui, de régner sur la terre du milieu et de réduire en esclavage ses peuples, à moins que Frodon et d'une compagnie constituée de hobbits, d'hommes, de magiciens, d'un nain et d'un elfe ne parviennent à emporter l'anneau à travers la terre du milieu jusqu'à la crevasse du destin, là où elle a été forgée. Et donc, on va les suivre pendant tout le film qui dure alors. Pour la version cinéma, 2 heures et quelques. Ouais. Pour la version longue qui est sortie en DVD et en Blu-ray, 3 heures. Oui, c'est énorme. Ouais. Il y a director cut aussi. Ils ont. Oui, il y a c'est toute ça, la ouais. version longue. Ouais. Il y a combien d'épisodes? Alors, il y a 3 épisodes. Ah, pas plus que ça. C'est une trilogie. Et ensuite, il y a eu une deuxième trilogie qui se passe même avant Le Seigneur des Anneaux, qui était Bilbo le Hobbit. Ouais, et si je ne m'abuse, c'est Tolkien qui a écrit à la base. C'est ça, J.R.R. Tolkien. C'est ça, oui. Alors, qui disait il faut baguer le Hobbit. Donc effectivement, donc à l'origine, Elijah Wood, qui joue Frodon, avait donc peu de chances de participer à l'aventure du Seigneur des Anneaux, car Peter Jackson souhaitait engager des comédiens britanniques pour incarner les Hobbits. L'acteur américain désirait tellement incarner Frodon qu'il travailla en conséquence pour modifier son accent. Pour convaincre Peter Jackson, il lui envoya un bout d'essai filmé par un ami cinéaste, dans lequel, vêtu à la Hobbit, il arpentait les collines dans la peau de Frodon. Des efforts qui portèrent leurs fruits, Jackson avait trouvé son porteur de l'anneau. C'était d'ailleurs Dominique Monaghan qui devait interpréter Frodon à l'origine. Dominique Monaghan n'a cependant pas trop perdu au change, puisqu'il a hérité au final du rôle de Merry, camarade Hobbit de Frodon. Ils sont intenables. Alors, en plus c'est d'être... bien. En plus d'être éprouvant physiquement, les comédiens ont dû apprendre à parler le langage elfique. Jamais utilisé. Je coupe vos micros. Jamais utilisé oralement. Pour ce faire, ils ont disposé. S'ils sont pas possibles. Ils ont disposé de l'aide d'Andrew Jack, un répétiteur dialecte et langues inventées, qui leur a enseigné la phonétique pour donner vie à cette langue bien étrangère pour eux. Le comédien irlandais, donc Stuart Townsend, je ne sais pas si vous le connaissez. Si, celui qui fait Gollum. Pas du tout. Ah ouais, d'accord. Ah bah, je sais pas. Non, Stuart Townsend jouait dans La Reine des Damnés. C'était un autre film. D'accord, non, ça me parle moins. Qui suivait Entretien avec un vampire. D'accord. Alors, donc le comédien irlandais Stuart Townsend ne connaîtra pas la sensation de jouer dans la trilogie. Premier choix de Peter Jackson pour incarner le personnage d'Aragorn, il est rapidement et sans ménagement écarté du projet en raison de divergences artistiques. C'est Viggo Mortensen qui sera finalement Aragorn, un rôle qui lui fut proposé alors que le tournage avait déjà commencé et qu'il accepta sans aucune préparation. Persuadé par Henry, son fils de 12 ans, qu'il devait participer à cette aventure unique. Il s'impliqua d'ailleurs tellement dans le film que lors d'un combat à l'épée, il reçut un coup et se cassa une dent. Il demanda aussitôt de la glu, recolla la dent et finit sa scène avant d'aller chez un spécialiste. Ça, il est bon acteur dans le film. Hein. Oui, il est très bon acteur. Moi, je suis vraiment très bon acteur. Il faut savoir que Kylie Minogue postula également, quant à elle, pour le rôle de Galadriel, donc qui est tenu par Cate Blanchett, mais Peter Jackson refusa, arguant qu'elle était trop petite. Ah, d'accord. Alors si Robert Zemeckis avait tourné 2 épisodes de la saga Retour vers le futur en même temps, Peter Jackson est le seul cinéaste à avoir tourné 3 films de manière simultanée avec l'aide de pas moins de 5 équipes. C'était selon lui l'unique moyen de mener à terme au niveau économique cet ambitieux projet. Pas mal, ouais, bien vu. Alors étonnamment, c'est la scénariste et femme de Peter Jackson, Fran Walsh, qui prête sa voix au cri inhumain des spectres de l'anneau, donc les cavaliers noirs. Ne parvenant pas à trouver de son assez effrayant, les bruiteurs jetèrent leur dévolu sur Fran Walsh, sur les femme. Conseils de Peter Jackson. Rote à la baillon ! Un pari gagnant, bah ouais, effectivement. Les cris sont pas mal, hein. Oui, ouais, ils sont très bien faits. Et il faut savoir que dès l'annonce de la mise en chantier de la trilogie, le nom de Sean Connery a immédiatement été murmuré par de nombreux fans pour le rôle de Gandalf. Le comédien a d'ailleurs proposé ses services à Peter Jackson en vue d'interpréter le puissant magicien. Le cinéaste repoussa pourtant l'idée, préférant un comédien moins connu. C'est Ian McKellen qui fut jugé le plus apte à capturer l'essence de ce personnage, essentiel à la communauté de l'anneau. D'ailleurs, Christopher Lee, donc, qui incarne le magicien Saruman, manifestait lui aussi l'envie d'incarner Gandalf, mais les cascades effectuées par ce dernier et son âge plus avancé l'ont contraint à laisser le rôle à Ian McKellen. Ah, ah oui, d'accord. Il y avait beaucoup, beaucoup d'anecdotes. J'en ai repris que quelques-unes. Oui, et j'imagine. T'imagines sur tous les tournages. Il a tourné 5 films. Oui, enfin, je vois les différents plans, tout ça. Parce que t'imagines. Ah, il y en avait 3. Il a tourné 3 films en même temps. Oui, 3 films. T'imagines les plans. Non, mais je trouve ça impressionnant. T'imagines avec les équipes de tourner les films. Il faut savoir qu'il n'y a pas tant de ça d'effets spéciaux. C'est-à-dire que pour incarner les Hobbits, quand c'était des plans très larges, ils prenaient des personnes de petite taille. Quand c'était des plans plus cadrés, ils avaient fait un système de perspective où on voyait par exemple Frodon qui était assis à côté de Gandalf, mais en fait il était à 3 mètres derrière, ouais, avec un système de planche, donc mais filmé de telle manière qu'on pouvait penser qu'il était juste à côté de lui. Mm-hmm. Et de ce fait là ça a limité beaucoup le budget parce que c'est, ça a coûté 75 millions par film. Ah oui, oui, c'est clair, c'est ouais, clair. Donc, et moi ce qui m'a toujours étonné, c'est donc Peter Jackson évidemment, puisque oui, en ayant vu l'un de ses premiers films qui est Brain Dead, oui, quand on passe de Brain Dead au Seigneur des Anneaux, oui, ça fait un choc, hein, parce que on passe du film série B à un film gore. C'est incroyable. Et je voudrais revenir aussi sur un des personnages, Gollum. Oui. Voilà, qui est joué par. Alors, je l'ai pas noté dessus. Alors lui, il a justement, c'est un acteur qu'on ne voit jamais. C'est ça. Et qui a joué d'ailleurs dans King Kong. Et c'est oui, lui qui fait King Kong. Qui a joué, je pense aussi dans la Planète des Singes, si je ne m'abuse. Oui, le dernier. C'est ça. Dans les derniers. Et en fait, il ne fait que des personnages. Alors, ça, ouais, on appelle ça de la capture motion, je pense. C'est ça, motion capture. Motion capture, c'est ça. Où le mec, en fait, il est payé pour. Pour les expressions et tout ça. Pour ouais, faire les expressions ouais, des animaux. Serkis. Ah, c'est ça, exactement. Andy Serkis. Voilà. Et qu'on voit rarement, on voit rarement son visage en réalité. Oui. Et il ne fait que des personnages fictifs. Bah, il apparaît également dans Le Seigneur des Anneaux avec un vrai rôle, mais c'est un rôle vraiment secondaire, plus figuré. D'accord. Ah, ça me fait penser à Star Wars, à R2-D2, où le gars, on parle que de R2-D2, bah, oui, et en fait le gars est dedans, quoi. Ouais, ouais. Et par contre, une petite anecdote, c'est sur Le Retour de Roi, c'est un des premiers films qui a été fait en 60 images secondes. Vous savez que le cinéma, oui, c'est 24 et ça passait en 25. Et voilà, je vous dis ça parce qu'à Moucron Forever, c'est un des premiers cinémas qui s'est équipé pour pouvoir projeter en 60 images, ce qui donne moins dans les vitesses au niveau accélération, mm-hmm, ça donne des flous beaucoup plus logiques, sinon ça donne le tournis, ça vous rend malade tellement ça bouge, quoi. Voilà, bah, il fallait que je parle, parce que je ne suis pas là la semaine prochaine, donc il fallait que je dise quelque chose. Ah bah, on va se retrouver après Morane avec un titre de 2004 qui a été composé par Jean-Jacques Goldman, ouais, qui s'appelle « Des millions de fois ». Ah bah tiens donc. Je m'en suis trouvé des fadaises, des tas, des raisons plus ou moins mauvaises, des lois, les thèses et puis les antithèses, et les interdits, les croix, comment les croix, je l'ai fait sur autrefois. J'ai trop attendu que ça vienne, comme ça, on me trouve et puis qu'on me prenne. C'est un choix, oh non, mon choix, c'est aujourd'hui me voilà. Voilà nouvel au monde aux éclats, voilà rebelle aux peurs à leur poids. Je prends les soleils et la Sur les hits RLM 107.9 FM. Et donc je vais vous parler maintenant d'un événement qui va se passer ce week-end, c'est le World of Geek. Ça va se passer le 19 et le 20 mai donc à Moucron, c'est au Centre Expo de Moucron. Donc vous avez plus d'infos sur le site www.worldofgeek.be ou sur Facebook en tapant directement World of Geek. Mais il faut savoir qu'il y aura des youtubeurs qui vont venir. Il y aura notamment David Lafarge, Miss Jirachi, T-Quick, Winate, New Titeuf, Deolink, Sifano et alors en grande vedette du salon, il y aura Bernard Minet qu'on connaît pour être l'un des musclés. Oui, surtout qui a interprété beaucoup de génériques des années 80, enfin des dessins animés des années 80. Oui, et qui est très connu pour Bioman. Bah, il va venir chanter, j'imagine. Enfin, non, mais par les geeks, qu'est-ce que tu... J'ai pas compris en fait la thématique, c'est pas de ta faute. Hein. Non, mais je sais ce que c'est un geek. Donc, il y a un festival, j'ai entendu les noms de youtubeurs. Oui, de youtubeurs. Oui, d'accord, donc je sais ce que c'est aussi. Mais Bernard Minet arrive parce que lui, il chante. Oui, c'est quoi en fait. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Voilà, ouais, en fait, c'est vrai, c'est pas faux. Parce que je sais ce que c'est un geek. Je croyais que c'était un festival des plus grands youtubeurs. Il va sûrement faire une prestation sur scène, à mon avis. En quoi il intervient, je veux dire. La manifestation en elle-même, c'est quoi exactement? Ah, bah alors, forcément, c'est. Tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est manga. Ah oui, d'accord. Ouais. Il y aura également, alors de mémoire, il me semble qu'il devrait y avoir des personnes qui refont des R2D2 par exemple, enfin tous des droïdes télécommandés de taille réelle. Il y aura normalement la DeLorean de Retour vers le futur. Ouais, ça, je doute un peu quand même. Si, la vraie de vraie. Ah ouais, je sais pas si c'est la vraie de vraie, mais c'est une réplique à l'identique. Donc on est geek cosplay, quoi, un peu. Enfin, dans l'esprit. C'est ça, ouais. Ah oui, bah, parce que c'est pas contre toi, mais ça me branche, moi, ça. Mais j'entends un truc geek, Bernard Minet qui vient chanter. Bah oui, parce que c'est pour la nostalgie. Ah, mais lui, c'est bien, bien sûr. Mais je crois que le terme geek, il a un peu évolué dans les années. Parce qu'avant, geek, c'était vraiment le mec qui était dans l'informatique, qui s'y connaissait sur Internet. Là, et là, tout d'un coup, on se retrouve geek, c'est tous les jeux vidéo. C'est ça. C'est ça. Un nerd. T'es lu dans l'univers numérique. C'est plutôt nerd, en fait. Le nerd, c'est plus pour l'informatique maintenant. Ah, c'est donc ça a changé. Le geek, ça a plus évolué un peu pour tout. Avant, les mangas, c'était plus les otaku. Oui, c'est possible, ouais. Quand tu étais otaku, t'étais fan de manga. Ouais, moi, je suis toujours otaku, moi. Prêt à partir. Otaku. Mais maintenant, on a pris le terme geek pour englober un petit peu tout ça. Voilà. Ouais. Et alors, donc, les conditions, il y a un prix d'entrée, j'imagine. Oui, ça, que je n'ai pas sur. Mais c'est, je pense que c'est entre 10 et 15 euros, je pense. D'accord. Donc ça se passe le Centre Expo, hein. Donc ça se passe le 19 et le 20 mai, donc samedi et dimanche qui arrivent, au Centre Expo de Moucron. Donc c'est à Moucron. C'est ça. Oui, c'est rue de Menin, je crois. Oui, c'est ça, c'est rue de Menin. C'est rue de Menin. Il suffit de demander, à côté du Colruyt. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, mais tu connais plus Menin que moi, en fait. Ouais. Enfin, c'est pas Menin. Menin, non, c'est rue de Menin. Moi, pardon. Ouais. La rue de Menin, elle est très grande. Hein. On parlait donc de cet événement qui aura lieu donc, le week-end prochain. Oui. Rappelons, dimanche. Oui, évidemment. Dimanche. Donc, le Salon des Orchidées, les Salons des Orchidées, pardon, à Waterloo, avec notre ami Abdel qui propose un repas, un couscous, avec une première partie karaoké et enfin une soirée avec trois DJ et non des moindres. C'est-à-dire qu'il y aura le DJ Saw, DJ Alex Morgan et DJ Arnaud Tirard. Voilà, pour enflammer la soirée. On connaît beaucoup moins ici, mais ça doit il vient de se lancer là, il vient juste de se lancer là. Ouais, c'est ça. Voilà. Il n'est pas très matinal. Mais ceci dit, alors, on y est allé ensemble, effectivement, c'est un merveilleux endroit. Oui. C'est une très très belle salle. Les salons des orchidées, c'est très c'est beau. Très beau. C'est, franchement, c'est classe. C'est, c'est vraiment classe. Le service, il est classe. Il y a de quoi se garer. Il y a un service de sécurité. Tout le monde ne peut pas rentrer. Il y a quand même une sélection à l'entrée, hein, faut le savoir. On passe une excellente soirée. Et puis, ben, pour l'occasion, Abdel, donc, du salon, des salons donc, des orchidées, donc, vous offre deux places donc pour le repas et la soirée, bien évidemment. C'est ça. Et pour les remporter, alors rien de plus simple, hein, franchement, il suffit de nous appeler au 056 34 11 81 ou si vous appelez depuis la France au 00 32 56 34 11 81. Alors n'hésitez pas à nous appeler juste après la coupure musicale qui arrive. Avec, tu en as parlé tout à l'heure, Lara Fabian et Morane. Oui, ça fera plaisir aussi avec ce superbe duo, Tu es mon autre. Oui. Voilà, donc toujours en hommage à Morane. Voilà, et après moi je vous parlerai un peu de la fête de la musique. Ah oui, tiens. Si nous n'étions pas d'ici, 107.9 FM. RLM. Et si l'un de nous retombe, nous irons vers l'infini. Voilà, belle chanson. Oui. Voilà. Morane et Lara Fabian, hein, si je me trompe. Oui, ouais, c'est Lara Fabian, j'avais un doute et tout ça. Donc voilà, vous êtes toujours sur RLM. On espère que vous passez une bonne soirée. Qui l'heure passe très très vite. Là, il va nous rester une demi-heure. J'avais un petit mot à vous dire simplement, c'est que la fête de la musique approche. Avant la fête de la musique, le 1er juin, n'oubliez pas qu'à la Blomerie, il va y avoir un bel événement. Oui, absolument. Dessus, hein. Oui. Voilà, donc on peut le rappeler. Groupe musical, en fait, Fred and the Healers, qui vont jouer en concert live avec un très très bon concept. C'est-à-dire, il y aura un DJ qui va vraiment se mettre complètement sur leur style de musique rock and roll et qui va lancer la soirée. Donc, pour un prix à nouveau très démocratique, donc 10€ et 7€ en pré-vente. Et on vous expliquera comment les contacter. Vous assistez, vous êtes debout, avoir un petit verre, avoir un super concert et faire la fête et danser jusqu'au bout de la nuit. Et c'est fait par Jean-Marie Odomaker qu'on avait reçu et qui est coutumier de toutes les soirées de la Blomerie. Donc ils vous attendent nombreux, c'est sur tous les bons supports. Par exemple, allez sur notre page et vous en avez plein. Vous avez tous les. Voilà. C'est le meilleur. J'en ai même viré quelques-uns. Voilà. J'aime bien Jean-Marie, mais bon. Hein, tous les jours. Donc voilà, non, mais c'est vrai qu'il communique beaucoup parce que. Il a raison. Parce que il a raison et puis il court pas après les gens. J'ai entendu parler de 10 événements. J'ai été à 3 de ces événements parce que j'avais très peu de temps. C'est blindé. Ouais. Ça tourne, les terrible. Gens. Ça tourne vraiment bien. Et c'est bien organisé. Je pense qu'au dernier événement, il y avait environ 1900 personnes. Clairement. Je t'assure que. Clairement. Et nous y étions. Oui, absolument. Donc voilà. Et une chose aussi, la fête de la musique le 21 juin. Bon, on va parler de pas mal de groupes qui se produisent. Si vous êtes dans la région lilloise sur ce clin, il faut savoir que notre ami Marie Plateau, que j'espère peut-être inviter ici avant ce moment, va en fait se produire sous le nom de Blue Le Bail, donc directement au bureau de ce clin le 21 juin. Alors le bureau, juin. C'est la chaîne de. C'est oui, pardon, quand je dis le bureau, pardon, c'est, oui, tu fais bien de le dire. Oui, non, c'est vrai, le restaurant. Voilà, le soir, je suis encore au bureau. Ouais, c'est parce qu'on dit le bureau et en fait, c'est au restaurant, au bureau. C'est le restaurant au bureau, voilà, de ce clin. Donc un set de 4 heures accompagné d'un autre chanteur, en fait. Oh, on peut dire que c'est toi, c'est Danone. Bah oui, bien sûr, donc c'est toi. On va tenir pendant 4 heures le show. Voilà. Ah non, c'est public qui va tenir pendant 4 heures. Oui, je viens de te dire, ils vont tenir le show. Je l'écrivais, c'est H-A-U-D, je parlais de moi. Mais le show sera fait par Marie. On en reparlera. Ah bah ouais, absolument. Vous verrez les affiches bientôt. Marine, peut-être que. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour la fête de la musique? Tu fais quelque chose ou pas? Bah c'est long, hein, ça. Est-ce que t'es musicienne, mélomane? Elle est à ce clan en train de nous écouter 4 heures, Marine. Ouais, voilà, génial. Voilà. Ah bah oui, il faudra que tu viennes voir. Faut que c'est... Alors, pour les gens qui ne connaissent pas encore Marine, hein, évidemment, c'est notre stagiaire. On vient de signer la convention de stage. Non, on la taquine, oui. Non, c'est une belle histoire parce qu'en fait, rappelle-nous, t'es passionné. Enfin, je vais plus vite. Hein, t'es passionné, t'as envoyé un CV en fait à RLM parce que t'aimes la musique, t'aimes ce monde de la radio. Et on t'avait reçu. Bah, tu n'étais pas là. Non, j'ai eu l'occasion de connaître ta voix. Et j'ai connu ta voix avant de connaître ton physique. Et alors? Et je suis pas déçu. Je ne suis pas déçu, vraiment. Non, lui dit, mais tais-toi, la prochaine fois que je viendrai, je mettrai mes lunettes. C'est vrai que rentrer à RLM en passant par notre émission, au moins, c'est sûr que si tu reviens, t'as du courage. Bon, ceci dit, c'est vrai, on rappelle à nos auditeurs, si vous voulez nous envoyer un com, n'hésitez pas sur notre page Facebook 120 au compteur, donc émission 120 au compteur sur RLM. On sera un plaisir donc de vous répondre. On a quand même quelques petits messages par rapport à effectivement à notre hommage à Morane. Voilà. Notamment Nathalie qui vient d'écouter cette chanson-là et qui lui rappelle plein de souvenirs. Et évidemment très émouvant, puisque c'était une chanson très émouvante. Il y a aussi Michel Coquen. Michel, voilà, donc de Waterloo, qui nous écoute aussi également et qui adore Morane. Il y a aussi Véronique, pardon, aussi. Véronique Hubo de la SBL, Un rêve, une étoile et tout est possible. Voilà, absolument, qui nous écoute. Michel, je suis allé à la soirée samedi soir. Ah, mais tu pourras nous en parler juste après la coupure musicale, dis donc. Avec plaisir. Allez, on va faire ça. Et Michel, merci pour ton petit. I was thinking about you, where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you, seconds from my heart, a bullet from the door, helpless I surrender, shackled by your love, holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love, it was almost love, it was almost love. When I almost love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone, knowing that we nearly fell. So far now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love, it was almost love, it was almost love. When I in your hand, when the walls were caving in, but I'll see you on the other side. We can try all over again. It was almost love, it was almost love, it was almost love, it was almost love. Bonjour, c'est Sabine Paturel et vous êtes sur RLM. RLM, c'est toujours aussi bon. Ah, Sabine Paturel, moi j'adore. Ouais, excellente. Voilà, alors là on la retrouve. Alors Sabine Paturel, vous la connaissez évidemment avec les petits bouchons et bien sûr les bêtises. Ah ouais. Mais on la retrouve avec un titre qui s'intitule Je me fous de tout. C'est oui. ça, hein? Oui, c'est ça. Sympa, je me fous de tout, assez sympa. Ouais. Sabine Paturel, alors j'en dis pas plus qu'on va retrouver dans la région. J'en avais parlé, mais je pouvais pas trop parce que c'est pas encore officiel. Et tu mais... peux toujours pas, donc. Non, je peux pas en parler. je ne peux absolument pas vous dire qu'elle viendra à la fête nationale de Waterloo. Ah, voilà, donc je vous le dis non, pas. Non, surtout n'en parle pas parce que. Non, j'en parle pas du tout. Et comme Jim Manson d'ailleurs qui sera là, mais personne ne doit le savoir. Voilà. Si on le savait. Je vous rappelle, Harry, que cela ne nous regarde pas. Absolument, absolument. Mais par contre, il y a une chose qui nous regarde, c'est la soirée que tu as vécue. Oui, le week-end dernier, ce week-end. Un rêve, une étoile et tout est possible. Oui, alors comment ça s'est passé? Très belle soirée. Bon, ils ont franchement pas eu de chance parce qu'ils ont mal choisi la date. Ah. Il faut savoir que sur Moucron, il y avait les Paralympiques. C'était l'ouverture officielle déjà du Futuro. Oui. Et ils organisaient donc tout un week-end sportif. Et malheureusement, la soirée est tombée en même temps que la clôture de l'événement. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu moins de monde, mais par contre Mélanie Bonfito a super bien chanté. Oui, je me doute. Ça. Fabrizio nickel. Le troisième, j'ai oublié. Alors je vais écorcher son nom. Bruno Jaran. Ouais. Franchement, allez, une belle ambiance, un beau spectacle et franchement, ça valait la peine d'aller. Et la prochaine fois, je lui dis, écoute, relais l'info pour qu'on puisse en parler plus longuement et qu'on attire plus de monde. Parce que franchement, il le mérite. C'était vraiment une belle soirée avec des. Alors, j'aurais aimé y aller, mais malheureusement. Les dates, oui, nous, c'est pareil, c'est que les dates au mois de mai, c'est très compliqué. Et puis, il y avait l'Eurovision à la télé aussi. Oh, alors là, et la finale de The Voice. Ah, parlons-en de l'Eurovision. Qui l'a regardé? Marine l'a regardé, l'Eurovision? Très peu. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai regardé l'ouverture. Ouais, d'accord. Donc, t'as vu quelques nations ou quoi? J'ai vu la France, j'ai oublié trois quarts. Ouais. Est-ce que la Belgique était présente ou pas? Non, elle n'a pas été sélectionnée. Non, je pense pas. Non. Moi, j'ai regardé plutôt la finale de The Voice le lendemain. Ouais, bon, The Voice, c'est un peu moins générateur. Quoi. C'était top. Mais parlons d'Eurovision quand même, parce que moi, je voudrais savoir qui a gagné déjà. Bah, c'est Israël. Israël. Alors, comment elle s'appelle? Dena? Oh, je sais plus du tout. Et alors, il paraît que c'est une vraie tare, quoi. Bah, objectivement, enfin, ouais. Ça s'appelle Toy, le titre. Quand je rejoins Nissa, quand tu vois The Voice France, quand tu vois des vraies personnes chanter, ouais, voilà. Quand tu vois le gars, aidez-moi, qui a chanté avec sa barbe, avec son. Pour moi, c'est un ovni, ouais. Parce qu'il a apporté quelque chose, il a pris à contre-pied, mais il chantait. C'est-à-dire, le mec, il chantait, je peux vous dire qu'il chantait bien. Là, pour moi, c'est sur toutes les nations qui se sont affrontées, que tu peux pas gagner. C'est pas possible que tu sois. T'as fait toi-même des jurys récemment dans des champs. C'est un petit peu plus qualifié parce que il y a l'expression scénique, la personnalité. On est au courant que l'Eurovision, il y a de la politique derrière tout oui, ça. Bien sûr. Par hasard, c'est l'Israël qui gagne. Excusez-moi, mais par rapport à ce qui se passe, l'actualité autour de l'Israël, bon. Je sais pas, je mets peut-être les pieds dans le plat, mais quand même, non. Parce que tu voulais pas parler de la finale de The Voice, je suis désolée, on avait quand même une super chanteuse et un gars qui est sur scène, mais c'était une tuerie, le gars. Ouais. J'ai vu des extraits, moi, mais en tout cas, il y a eu quand même pas mal de flops. Mika qui rate les paroles, voilà. Par contre, la fille est un ovni. Moi, je suis content parce que quand ils ont commencé à 16, j'avais dit quelqu'un qui était à côté de moi, je dis, elle, c'est un ovni, s'ils ont pas. C'est Amael, c'est ça, de la merde. S'ils ont pas de la merde dans les oreilles. C'est impossible, c'est un ovni. Et elle a gagné, je suis très content. Elle a 16 ans, mais c'est un ovni. Elle a une tessiture et visiblement, je crois que c'est Amel Bent qui a fait un duo avec l'un des gars et elle a dit que c'était une catastrophe. Ah, mais c'était une catastrophe. Voilà. Elle a une voix à la London Grammar. Après, je comprends pas dans The Voice, parce qu'on était sur l'Eurovision, mais ce gars-là, en fait, il a quand même un grain de voix, puisque j'aurais voulu être un artiste, etc., où je ne suis pas un héros, il a bien interprété, il a quand même la capacité vocale. Là, ils l'ont mis sur une tessiture avec, que je t'aime, c'est une chanson de Johnny. Tessiture que je t'aime, où voilà, moi j'ai l'habitude à chanter, je peux te l'envoyer quand tu veux, mais sur cette tessiture-là, j'aurais été obligé de le prendre à l'octave bas, et il a été obligé de la prendre comme ça. Il pouvait pas lâcher par rapport à Mel Ben. On a conforté elle sur son grain de voix, donc le mec a pas pu prendre sa ce qu'on appelle sa tonale, et donc le mec il est resté toujours à waouh, et il pouvait pas lâcher. Je suis pas fan, moi, mais bon, c'est vrai qu'on est entre deux tons. En tout cas, bonne nouvelle, les Français sont 13e. J'ai quand même pas mal. Moi, je pensais quand même, c'est le milieu du classement. Voilà, je pensais qu'ils auraient fait un meilleur score quand même. Ouais, mais bon, c'était. Bah, la chanson est belle. Il méritait, ouais. Enfin, moi, il méritait surtout pas de perdre ni d'être premier, mais c'est honorable. Eh bien, musique, et après, on va retrouver bien sûr les sorties Cinoche. Oui, tout à fait. Allez. Choses là, j'ai pas la sagesse. RLM 107.9 FM. RLM. Et oui, donc de retour dans 120 au compteur. Et je vais vous parler des films donc, qui sortent demain donc en France et en Belgique. Et je vais commencer d'ailleurs. Super. Je suis toi et moi. Et donc je vais commencer par la Belgique avec le film MILF. Ah, Mother, I'd like to fuck, c'est pas ça, hein, je pense. Si, c'est ça. Ah, c'est vraiment ça. Ouais. Mother, I'd like to fuck. Oui. Donc c'est avec Axel Lafont, Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze. C'est un film de Axel Lafont. Et ça sort donc en France, c'est sorti pardon en France le 2 mai. Donc c'est trois amis d'enfance qui partent dans le sud vider la maison de l'une d'entre elles afin de la vendre. Pendant ces quelques jours, elles vont devenir les cibles privilégiées de trois jeunes garçons pour qui ces femmes seules approchant la quarantaine sont bien plus séduisantes que les filles de leur âge. Cécile, Sonia et Élise découvrent avec bonheur qu'elles sont des MILF. Ouais. Yeah. Bon, nous on a une MILF hein, dans notre studio. Oui, on a une MILF. Une gilf peut-être. Une granny I like to fuck. A mother I would like not to fuck. Je te rassure, il y a les grand-mères awards. Alors, on continue avec le film Everybody Knows. C'est avec Penelope Cruz, Javier Bardem et Ricardo Darín. Un film de Asghar Farhadi. Ça, c'est sorti en France donc la semaine dernière, le 9 mai, et donc c'est à l'occasion du mariage de sa sœur. Laura revient avec ses enfants dans son village natal au cœur d'un vignoble espagnol, mais des événements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui. Bien compris. Mais même en regardant la bande-annonce, j'ai rien compris. C'est le script où il n'y a que le train qui n'est pas passé dessus. Quoi. Voilà. Quelqu'un revient dans son truc et va faire ressortir. Bon, tu peux nous parler des sorties belges, allez. Sauf où. Non, des sorties en France. Ah, c'est encore, il y en a encore une. Ah non, là, c'était France. Les sorties en Belgique. Oui, tu d'accord. peux nous parler en profondeur d'un film qu'on va aller voir. Alors, donc, en France sort le film En guerre avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, et Jacques Bordery. C'est un film de Stéphane Brisé. Et ça sort en Belgique le 23 mai. Donc, malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l'usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées. Les 1100 salariés emmenés par leur porte-parole Laurent Amedeo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. Ouais. C'est Rover, hein, c'est pas Rover. D'accord. Il a joué dans La La Land. La Land Rover. Ok. Et moi je suis pas. Je cours. Mais je propose qu'on fasse une chronique grosse tête, tu sais. Non, ou une journée sans moi. Une émission sans moi, vous connaissez pas l'émission sans moi. C'est génial. Bon, et je vais finir donc avec le gros blockbuster qui sort demain en France et en Belgique, c'est Deadpool 2 avec Ryan Reynolds, Josh Brolin et Morena Baccarin. C'est un film de David Leitch. Et non pas David Lynch, hein, pas confondre. Donc c'est l'insolent mercenaire de Marvel qui remet le masque. Plus grand, plus mieux et occasionnellement les fesses à l'air. Il devra affronter un super soldat dressé pour tuer, repenser l'amitié, la famille et ce que signifie l'héroïsme tout en bottant 50 nuances de cul. Car comme chacun sait, pour faire le bien, il faut parfois se salir les doigts. J'ai adoré Deadpool 1. C'est vrai? Moi aussi. Mais c'est un film comme j'aime, c'est pareil. C'est un film qu'il faut voir, franchement. C'est l'anti-héro. C'est l'anti-héro. Est-ce que c'est mieux que Sausage Party ou pas? C'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte, mais franchement, si tu vas le voir, tu vas te marrer du début à la fin. Ah, même si tu n'es pas super-héros, c'est un film où tu te marres. Mais dès le début, dès le générique, il y a déjà plein de références. C'est excellent. C'est entre le Team Seat et le machin. Et c'est un Marvel quand même. Ah oui, c'est un Marvel, il y a des effets spéciaux et tout. Mais lui, il est complètement barré. Mais il est insultant, il est machin, ça parle de cul tout le temps. Il en met plein la gueule. Pourquoi pas alors? Je note. Je note. Regardez Deadpool. Tu l'as vu toi, Marine? Ouais. Et alors? Ouais, j'ai bien aimé. J'ai c'est vrai? Bien. Sympa aussi? Pourquoi? Bah. Ça va les filles là, on vous dérange pas? Non, on fait notre petite popote. Bien. Mais alors, du coup, tu irais voir quoi alors, Marine? Bah, Deadpool. Ouais, Deadpool? Deux, ouais. Ok, bah ouais, ouais. Et toi, notre ami, le fanou? Tu irais voir quoi? Rien. Ah ouais? Non. Ok. Bon, moi, je vais avec, il reste qu'un siège du haut, je vais avec Marine voir des poules. Okay, ça vous allez à deux. Vous allez à deux voir. Fuck. Je vais aller voir mille fois. Ouais, c'est vrai, fuck mon heure. Ok, bah, si vous voulez, ok. Attends, on n'a pas demandé à Sherlock, qu'est-ce qu'il irait voir ? Deadpool 2. Ah, bah, je sais pas, moi, à chaque fois quand tu donnes la liste, moi, j'ai l'impression que t'as envie de tous aller les voir. Oui, bah forcément, toujours, mais il y en a toujours lui, un qui sort du lot. Qui sort du lot. Mara vraiment, va le voir. C'est... Bon, j'irai voir le 1 déjà. Bah, oui, je pourrais t'emmener un lien pour aller le voir. Non, mais t'inquiète, avec Netflix, mettons, pour trouver tout ça. Hein. Oh, yeah, ouais, ah oui, certainement. Oui. Ok, allez, petite coupure musicale, parce que d'ici quelques minutes, il va falloir qu'on se quitte. On rappelle. Oui. Parce que là, il reste quelques minutes. Alors, il y a le téléphone qui a sonné, malheureusement, on n'a pas pu décrocher. Mais sachez que vous pouvez remporter donc deux places pour la soirée qui va avoir lieu donc au salon donc des orchidées à Waterloo. Donc pour une soirée couscous avec en première partie donc karaoké et ensuite vous aurez donc le DJ DJ So, vous aurez DJ Alex Morgan et DJ Arnaud Tirard qui seront là donc pour vous mettre le feu dans la soirée. C'est une soirée qui coûte pas très cher parce que franchement pour ce qu'il y a c'est 25€. 25€, mais on vous offre, chers auditeurs, donc la possibilité de remporter donc deux places. Alors c'est gratos, profitez-en. Pour ça, il suffit tout simplement de nous appeler. Il reste que quelques minutes pour nous appeler donc au numéro suivant 056 34 11 81 ou si vous appelez depuis la France le 00 32 56 34 11 81. On se retrouve tout de suite après le dernier titre que je vais passer pour l'émission de Morane. C'est L'un pour l'autre et c'est sorti en 98, en 98. Yabotambola na ngai Ils sont faits l'un pour l'autre Comme le yin pour le yang Comme le goût pour la langue L'un pour l'autre Ils sont faits l'un pour l'autre Tellement c'est clair l'un pour l'autre Séparé On ne le pourra jamais Oh non, non On ne pourra jamais les séparer Séparé On ne le pourra jamais Oh non, non On ne pourra jamais les séparer 107.9 FM. RLM. Et c'était donc Morane avec L'un pour l'autre. Voilà, donc bel hommage hein, ce soir pour Morane. Évidemment, on en repassera d'autres dans les semaines à venir. Puisque... Et on redécouvre. Hein. Oui, on redécouvre des titres, effectivement, des titres de Morane. Eh bien, nous allons nous quitter sur ce titre-là, justement, L'un pour l'autre, puisque voilà, il va falloir rendre l'antenne. On va se retrouver la semaine prochaine. Le temps de remercier Marine pour sa participation et que vous retrouverez très certainement dans les prochaines semaines pour une émission hein, ou plusieurs émissions. Ah, on espère pour toi, quand même. Ah ouais, on a hâte. Ah, on a hâte. Toi aussi, alors, Marine. Ah, oui. Ah bah oui. Onissa. Oui. Merci. Bonne soirée. De Oum, le dauphin. Voilà. Avec Galak. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre chronique, bien sûr. Peut-être, oui. Non, sûr, certain. Bah, t'as intérêt, dis donc. Canon. Petite chronique crétoise de là-bas. Je vais essayer de vous envoyer un enregistrement allemand, italien. Petit message de là-bas. Je vais essayer de le faire parce que les heures vont correspondre directement au niveau des finales. Mais je vais essayer de vous faire un live Facebook sur la page. Directement. Tu me dises, voilà, on est en direct de Crète. Allez, dites-moi une équipe que vous voulez. Voilà. Je chope. Alors on verra. Voilà, ce sera la surprise. On remercie aussi Sherlock. Oui, bah, merci à vous. Voilà, bah, on te fait des gros bécos. On te fait des gros bisous. Et voilà, merci à tous. Et bah, chers auditeurs, ne quittez pas l'antenne de RLM sur le 107.9. Et on se retrouve donc mardi prochain, même heure, même antenne. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. Et la radio, ça n'est que la radio. Allez, salut, ciao. Ciao, bisous.